Je vais réessayer. 1, 2, 3, 4. À la guitare, c'est Mr. Titi. Allez, Titi. Allez, Titi, c'est parti. King of the guitar. May God bless you, keep you always. May you wish I come too. May you always do forever and let over do for you. May you be the letter to the star and clear up every run. May you stay forever young. Stay forever young. Come on. C'est Charlie Oleg à l'homme. Charlie Benji. Lady and Gentleman. À la guitare, il s'appelle Titi. Oh oui. Alors en français, ça voudrait dire quoi, tout ce que j'ai dit en français? Ça donne ça en français, c'est bizarre. Puisse Dieu te bénir et te garder en vie. Puisse tous tes souhaits se réaliser. Puisse-tu toujours œuvrer pour les autres et laisser les autres agir pour toi. Puisse-tu toujours œuvrer, construire une échelle jusqu'aux étoiles et monter chacun de ses barreaux. Puisse-tu rester jeune, surtout acharné. Tel que tu es. Puisses-tu toujours connaître la vérité et voir les lueurs autour de toi. Puisses-tu rester jeune à jamais, éternellement jeune pour l'éternité. Et maintenant, Lady and Gentleman, au clavier, nous avons Just Me qui vient des États-Unis. Alors on va écouter Just Me. Come on, my friend. Il vient tout droit des États-Unis. Il s'appelle Just Me. Come on, Just Me. Come on. We'll be right back. c'était Just Me Titi. Agir pour toi. Puisses-tu construire une échelle jusqu'aux étoiles et monter chacun des barreaux. En fait, puisses-tu rester jeune à jamais, éternellement jeune. Avec Titi à la guitare et au clavier, il s'appelle Just Me. En direct des États-Unis. Come true. May you always do forever. May you grow to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you end always be music. May you feel always be sweet. May you have a strong foundation when the rain change shift. Puisse Dieu te bénir et te garder en vie. Puisse tous tes souhaits se réaliser. Puisses-tu toujours œuvrer pour les autres et laisser les autres agir pour toi. Puisses-tu gravir les échelles jusqu'aux étoiles et monter chacun de ces barreaux. Voilà, c'était un petit jam avec Mr. Just Me. Alors à bientôt. Hasta la vista.